KRL. Québec. Aujourd'hui, au Grain de sable, une entrevue avec Gabriel Sainte-Marie, économiste de l'Institut de recherche sur l'économie contemporaine, l'IREC, et la chronique de Cédric Leterme en direct de Belgique en seconde partie d'émission. Le Grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est Valérie Blouin qui vous accompagne pour la prochaine heure. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Grain de sable d'Attaque Québec en ce magnifique 24 mars. Alors pour ceux que c'est la première fois qu'ils nous écoutent, je vous rappelle que le Grain de sable, c'est un magazine d'actualité socio-économique qui est réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Alors on connaît bien sous le nom d'Attaque Québec. Alors ici à l'émission, on y reçoit des gens engagés et on y écoute de la musique engagée. Comme je vous le mentionnais, nous allons nous entretenir en début d'émission avec l'économiste Gabriel Sainte-Marie de l'Institut de recherche sur l'économie contemporaine, donc l'IREC. Nous aurons ensuite l'éditorial hebdomadaire de Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, puis ce sera la chronique de Cédric Leterme. Mais d'abord, on écoute Gavroche, le combat continue. Main dans la main, notre avenir continue, compagnon de rue. Voilà, c'était le combat continu de Gavroche. Alors, ça me fait penser à ces étudiants qui manifestent ces temps-ci et que c'est pas toujours évident. Alors, une belle chanson à leur honneur. Alors, nous avons au bout du fil aujourd'hui M. Gabriel Sainte-Marie, chargé de projet à l'Institut de recherche en économie contemporaine. Il est économiste de formation. Il enseigne l'économie au Cégep de Joliette et aussi il est chargé de cours, toujours en économie, à l'UQAM. Alors bonjour, M. Gabriel Sainte-Marie. Bonjour, ça va bien? Et oui, vous? Très bien, merci. Et ouais, alors on peut lire sur le site de l'IREC, on peut lire depuis 1999, l'Institut de recherche en économie contemporaine, l'IREC, multiplie les interventions afin de favoriser la recherche dans les champs de l'économie globale, de l'économie sociale et l'économie politique. Alors, en ces temps de budget, on vous a invité, entre autres, pour parler un peu de ça. Donc, pouvez-vous, dans un premier temps, nous dire un mot sur l'IREC et sur le rôle que vous y jouez? Oui, bon, ben c'est ça. L'IREC a été fondé en 1999. Au départ, là, c'était un site qui voulait répertorier l'ensemble des mémoires et thèses faites en économie au Québec. Il y a eu aussi un volet sur la finance au Québec. Là, ils ont, ils font l'indice Québec 30, là, un peu pour me mesurer là, l'évolution des cours boursiers. Et puis plus récemment, là, il y a tout le volet de recherche en économie du Québec. On veut développer davantage une expertise là-dedans. Et c'est à ce titre-là là, que je suis régulièrement appelé à faire des contributions. Alors, les auditeurs qui nous écoutent donc, peuvent aller consulter justement ce site-là pour avoir beaucoup plus d'études. Là. Dans le fond, vous êtes vraiment une mine, une source de référence à la matière. Ah, ben, c'est récent, ce volet-là, mais oui, de plus en plus, puis c'est ce qu'on vise à devenir. Alors, si on vous a invité, entre autres, à commenter le budget et en lien avec l'étude de l'IREC, qu'on va parler un petit peu plus tard, il y a eu l'étude de l'IREC sur les services publics, un véritable actif pour les ménages québécois. Donc, avant d'en parler, vous étiez, vous, au huis clos du budget cette semaine? Donc, vous remet à l'entrée, semble-t-il, le matin, une pile de documents que vous devez éplucher rapidement pour pouvoir commenter le budget. Est-ce que vous avez abordé cet exercice en donnant la chance aux coureurs cette année, même s'ils n'avaient pas de souliers neufs? Oui, bien, à chaque dévoilement de budget, c'est toujours l'interrogation. Donc, oui, veux pas, on lui laisse la chance. Finalement, toute l'information avait été à peu près coulée dans les médias à l'avance, là, donc... Il n'y a pas eu de grandes nouvelles. Il est en continuité, ce budget-ci est en continuité là avec les précédents, en ce sens où, dans les deux derniers budgets, là, le gouvernement avait annoncé des hausses tarifaires, qui viennent pallier les baisses d'impôts. Puis elles sont simplement reconduites. Puis c'est la particularité de ce budget-ci est donner un coup dans les dépenses de l'État, là, dans les services. Donc, ils ont été... On annonce des réductions comme on n'en a jamais vu encore. Pouvez-vous peut-être en nommer quelques-unes, rappeler pour les auditeurs? Oui. C'est toujours complexe. C'est les annonces qui sont faites. C'est dans l'ensemble des ministères principalement. Ils disent, la santé et services sociaux vont avoir une croissance un peu plus élevée, mais c'est vraiment dans l'ensemble des ministères où on veut... où on veut diminuer là, les dépenses. On parle là, de baisse au total là, de près de 500 employés. Ils disent là chaque départ à la retraite est remplacé, deux départs à la retraite pour un employé qui est remplacé, réembauché. Là, cette année, les chiffres, c'est 1 pour 3 seulement. Donc, c'est vraiment au niveau global, là. Oui, effectivement. Donc, on va surveiller ça de près, là, toutes ces dépenses-là, là, toutes les coupures qu'il va avoir, ça va avoir des impacts. Et dernièrement, vous avez, c'est ça, l'IREC a produit récemment une étude sur la valeur redistributive de l'offre et de la consommation des services publics. Alors, j'aimerais, dans un premier temps, que vous nous présentiez les grandes lignes de cette étude et puis par la suite, que vous fassiez le bilan du ministre Bachat, dont c'est peut-être le dernier budget avant les élections, mais oui. Par rapport à cette valeur oui. redistributive. Donc, allons-y d'abord avec l'étude. Bon, l'étude est assez volumineuse. En gros, on a voulu mesurer trois, on s'est penché sur trois éléments dans cette étude-là. Le premier, ça a été de chiffrer la valeur des services qu'on reçoit. Mm-hmm. On dit toujours, on paye des impôts, on paye des taxes, on aime pas ça, mais en échange, on reçoit des services, donc on a voulu les chiffrer. On arrive là, on a pris les données de Statistique Canada, là, pour être très rigoureux. La dernière année disponible, c'est 2007-2008. On parle de 17 000 $ des services reçus pour chaque individu, enfant compris au Québec. Dit autrement, c'est 37 000 $ par ménage par année. On paye des impôts, on reçoit des services. Ça va en services sociaux, en santé, en éducation, en sécurité, là, qui compte la justice, la police, l'armée, ainsi de suite, l'environnement, la culture. Donc, si je comprends bien, c'est qu'un par individu, prenons par exemple l'individu, donc c'est un 17 000 $ qu'on économise. Oui, c'est ça. Donc, on paye des impôts, mais mis à part les impôts, il reste quand même un 17 000 $ qu'on a des services, mais on ne le dépense pas nécessairement là, dans nos poches. Oui, absolument, absolument. Puis, ce qu'on n'a pas voulu dire, est-ce que ça serait un meilleur marché au secteur privé ou pas pour chacun de ces éléments-là? On a dit, bon, ben, par exemple, là, en santé, ça représente, là, je vais retrouver le... Bon, en santé, chaque individu reçoit l'équivalent d'un peu plus de 3 100 $ par année. C'est ça. Donc, se donner une idée de cette valeur-là. D'ailleurs, la santé, on dit toujours, hein, c'est la moitié des dépenses du gouvernement. Mm-hmm. En fait, quand on prend l'ensemble des administrations, là, municipales, provinciales, fédérales, la part du fédéral qui est au Québec, c'est seulement 17% des dépenses. Fait que c'est pas la fin du monde, la santé. C'est que, justement, j'ai pu le constater au dernier budget, là, le gouvernement du Québec présente santé et services sociaux. Puis dans services sociaux, il y a plein de choses. Les CPE, mais aussi les retraites, le RRQ, les retraites de la fonction des policiers, des juges, ainsi de suite, qui ont eux-mêmes contribué à leur fonds de pension. Là. Donc, ça brouille les cartes. C'est jamais facile de voir se démêler dans tout ça. C'est ce qu'on a voulu faire ici un peu. Très intéressant. Dans un deuxième temps, on a voulu mesurer à qui ça profite. On a corrélé les dépenses, associé les dépenses pour chaque individu. Les données du recensement de Statistique Canada là, nous permettaient de faire ça. Puis on a trouvé, premièrement, que ben tout le monde, ça bénéficie à tout le monde, les services publics. Même aux plus riches, on a divisé les familles en 5 groupes égaux, en 5 groupes de taille égale, là, mais en les classant par leurs revenus. Puis même le 20% le plus riche, un individu reçoit presque 15 000 $ par année. Fait que dans un premier temps, on a de cette étape-là, on a dit « Ah oui, tout le monde bénéficie de ces services-là », mais on a aussi trouvé qu'il y a une forme de redistribution, surtout pour le premier quintile, là ils reçoivent l'équivalent de 27 000 $ là, surtout en transfert, en fonds de pension, ainsi de suite, là, RRQ là, plutôt, là, en pension. Donc, il y a un effet redistributif là aussi, surtout pour le premier quintile. Le premier quintile fait référence à quoi exactement? Oui, c'est le premier groupe là, des familles qu'on a fait, le 20% de ceux qui ont le plus faible revenu. Parfait. Souvent des personnes âgées vivant seules ou des familles monoparentales, là, ainsi de suite. Donc, il y a un effet redistributif. On l'a vu avec le taux d'imposition aussi. Le taux d'imposition, Statistique Canada nous le donne. En moyenne, il est à peu près 29% quand on prend les impôts, les cotisations, les taxes au provincial puis au fédéral. C'est moins que ce qu'on peut penser. On l'a même, Statistique Canada nous le donne pour le 1% le plus riche de la population, puis il paye 37,4%. Donc, on n'est pas, quand on dit là, on paye trop de taxes et tout, ça prend les mesures effectives, là, puis c'est moins élevé que ce qu'on laisse souvent entendre. Dans un dernier temps, on a mesuré l'évolution de ces services-là, puis de l'imposition. Dans le fond, dans les 10 dernières années, l'État a baissé ses impôts, ses taxes, puis a coupé en conséquence dans les services. Puis on voit que ça l'a avantagé surtout les individus du 20% les plus riches, là, des 20% des familles les plus riches. Puis surtout les 3 premiers quintiles, là, les 60% les plus pauvres, eux ont perdu au change. Très révélateur, cette étude, hein, en fait. Oui, puis là, on a pu aller constater, là, le dernier budget s'inscrit dans cette logique-là. Oui, on monte les tarifs, tout le monde paye les tarifs, fait que ça, il y a moins de répartition de richesses dans la société. Quand on monte les tarifs, c'est peu importe le revenu. Oui, c'est ça. Donc, c'est régressif à ce moment-là. Mm. Le riche paye autant que le pauvre, c'est une plus faible part de son budget. Puis, on coupe les services qui avaient un effet redistributif. Fait que la tendance est pas encourageante. Alors, est-ce que vous êtes, si je vous pose la question, si vous êtes optimiste ou pessimiste quant à l'avenir de nos services publics? Oui, en regardant la tendance, je suis pessimiste. Mais je suis de nature optimiste. Là, je pense qu'il va falloir changer la situation. Souhaitons que ce soit le dernier budget de Bachand. Les 200 000 étudiants et autres là, dans la rue cette semaine nous donnent l'espoir en ce sens-là. Et puis, peut-être dernière question. Donc, justement, le bilan du ministre Bachand et du présent gouvernement maintenant, est-ce que, selon vous, le ministre des Finances du Québec a bien ou mal servi les Québécois dans les budgets qu'il a concoctés depuis la dernière élection en 2008 comme ministre des Finances? Il a servi inégalement les Québécois. Mm. Il a très bien servi les plus riches en leur baissant les impôts, mais il a moins bien servi la classe moyenne et les moins fortunés en augmentant les tarifs et en diminuant les services. Donc, pour mes valeurs personnelles, ils ont très, très mal servi la population. Merci beaucoup, M. Gabriel Sainte-Marie. De nous avoir accordé cette entrevue très intéressante. Alors, je vous rappelle que Gabriel Sainte-Marie enseigne l'économie au Cégep de Joliette et à l'UQAM et qu'il est également chargé de projet à l'Institut de recherche sur l'économie contemporaine, l'IREC. Alors, je vous invite également à consulter ce site. On va le mettre quand même en lien à notre blog, legraindesableqc.org. Alors, le site de l'IREC, c'est le www.irec.net et vous avez vraiment sur ce site des études très riches et fort éclairantes au niveau de l'économie et je vous invite à aller lire la valeur redistributive de l'offre et de la consommation des services publics, les services publics, un véritable actif pour les ménages québécois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très révélateur, alors je vous invite à le lire. Avant de poursuivre avec l'éditorial de Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, on écoute Zebda qui nous interprète le chant des partisans. À tout de suite. Sur nos plaines, yeah. Amis. Voilà, c'était le groupe Zebda avec la chanson « Le chant des partisans » du disque qui est tiré du disque « Les motivés ». Alors, nous allons ajouter sur notre blog un peu plus tard dans la journée cette pièce musicale et les autres qui ont joué au cours de l'émission, donc legraindesable.qc.org. Vous écoutez Le Grain de Sable sur CKRL 89.1, votre magazine d'actualité socio-économique avec c'est Valérie Blouin qui vous accompagne jusqu'à 13h. Nous sommes en mode Radioton, CKRL. Alors, chers auditeurs, préparez-vous. C'est le 31e Radioton de CKRL, le 30, 31 mars et 1er avril prochain, donc la fin de semaine prochaine. CKRL vous invite à son 31e Radioton. Toute la fin de semaine, il va y avoir des artistes qui vont se succéder sur les planches de notre plateau de radio. C'est vraiment monté uniquement pour l'occasion. C'est pas toujours comme ça. La thématique cette année, une histoire de famille qui a été inspirée de nos porte-paroles Mariam et Webster. Alors, soyez à l'écoute et surtout, donnez généreusement comme c'est à votre habitude depuis maintenant au moins 3 décennies parce que CKRL, c'est votre histoire. Alors, je me tourne maintenant vers Michel Monette qui, je rappelle, réalise l'émission Le Grain de Sable. Bonjour, Michel. Bonjour. Vous avez reçu pour nous l'éditorial de Claude Vaillancourt, le président d'Attaque Québec. Oui, Valérie, comme chaque semaine, et celui de cette semaine porte sur les paradis fiscaux. On l'écoute. En 2009, suite à la crise financière, des chefs d'État comme Obama, Gordon Brown et Sarkozy ont jugé nécessaire de s'attaquer aux paradis fiscaux. Je cite Gordon Brown. « Les placements de tous ne seraient-ils pas beaucoup plus sûrs si le monde entier se mettait d'accord pour interdire les systèmes bancaires parallèles et les paradis fiscaux? » Gordon Brown a bel et bien dit devant le Congrès américain qu'il fallait interdire les paradis fiscaux. Sarkozy, au lendemain du G20 de Londres la même année, a dit « Les paradis fiscaux, c'est fini. » Aujourd'hui, on comprend mieux dans quel sens il fallait prendre la phrase « c'est fini ». C'est fini dans le sens « on ne doit plus en entendre parler ». Parce que les paradis fiscaux se portent très bien. Quelques chiffres. 55% du commerce mondial et la moitié des flux de capitaux passent par les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux abriteraient 2 400 000 sociétés écrans. Et les avoirs des fortunes privées dans les paradis fiscaux s'élèveraient à 11 500 milliards de dollars. Plutôt que d'être éliminés, les paradis fiscaux sont donc encouragés. On en facilite l'accès. Le gouvernement du Québec, par exemple, refuse de reconnaître que la fraude fiscale puisse être faite par des multinationales ou des détenteurs de capitaux, dit le chercheur Alain Deneau. Par un soi-disant accord sur l'échange de renseignements avec plusieurs paradis fiscaux des Caraïbes, le gouvernement Harper a facilité l'évasion fiscale dans ce pays. Il fait exactement le contraire de l'intention du projet de loi. Les paradis fiscaux se rapprochent de plus en plus des pays industrialisés. Parmi les paradis fiscaux les plus actifs, de Delaware aux États-Unis, la City of London au Royaume-Uni. Et Halifax devient de plus en plus un paradis fiscal qui se développe à l'intérieur du Canada. Tout ça dans un double secret. Secret du fonctionnement des paradis fiscaux, secret bancaire, qui est un véritable trou noir, mais aussi secret politique autour des décisions prises sur les paradis fiscaux. Qui a entendu parler, par exemple, de l'accord commercial entre le Canada et le Panama qui est l'un des pires paradis fiscaux, un pays associé au narcotrafic. L'expansion des paradis fiscaux se fait aux dépens des populations qui doivent se serrer la ceinture, payer des tarifs élevés, alors que les gouvernements sont incapables d'aller chercher des revenus qui nous reviennent de droit et qui sont absolument nécessaires. On parle donc d'un vol légitimé de ce qui devrait revenir aux populations. Il s'agit d'une grande injustice fiscale. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui va se retrouver dans le prochain numéro du magazine électronique Vie économique, un numéro qui a été fait en collaboration avec Attaque Québec. Et ce sera aussi discuté dans une journée d'études, toujours organisée par Attaque, qui aura lieu le samedi 31 mars à l'UQAM et qui s'intitule justement « Les paradis fiscaux, une injustice fiscale ». L'invitation est donc lancée à tous ceux qui pourront se déplacer pour l'occasion. Incroyable, hein, si je peux me permettre. 11 000 milliards. Ah, vraiment, dans les paradis fiscaux. On imagine tout l'argent ici au Québec seulement, on se bat pour un petit montant, finalement, 300 millions à peu près, la hausse des frais de scolarité que ça pourrait rapporter. Là-dessus, il y en a une partie qui va retourner après les bourses. Et il y a tellement d'argent comme ça qui sort. 11 000 milliards, ouais. Imaginez. Alors, Michel, tu as d'autres infos à partager? Claude disait justement, Claude Vaillancourt disait justement qu'on peut toujours assister à la journée d'études paradis fiscaux. Pour s'inscrire, c'est Attaque Québec 514-279-7364 ou québec@attaqueattac.org. Si on veut s'inscrire pour cette journée du 31 mars, il est toujours temps de s'y inscrire. Un mot sur la revue Vie économique, justement, dont parlait Claude Vaillancourt. Ça, c'est publié par les éditions Vie économique EVE. C'est une coopérative de solidarité dont la mission est de créer un groupe de presse, revues, magazines, livres, sites Internet. Enfin, il y a plusieurs aspects pour soutenir la diffusion des connaissances provenant de la pratique et de la recherche sur la vie économique actuelle, en vue de contribuer, et ça c'est important, en vue de contribuer à l'émergence d'une participation citoyenne à la formulation d'une nouvelle vision progressiste du modèle québécois de développement dans une perspective de développement durable et à la prise de décision concernant notre vie économique. Le dernier numéro, Claude disait qu'il y a un numéro qui sort, là, sur les paradis fiscaux. Mais le numéro de novembre, lui, il est en ligne présentement. On peut le lire en ligne sur le site de Vie économique. Je vais donner l'adresse tantôt. Le dernier numéro, justement, c'est sur le développement minier au Québec, celui de novembre dernier. Alors, c'était les actes du colloque développement minier vers un nouveau modèle pour le Québec. C'est toujours d'actualité, le développement minier, on le sait. Alors, c'est organisé par... Le colloque avait été organisé justement par l'Institut de recherche en économie contemporaine. On en parlait tantôt, Valérie, avec Gabriel Sainte-Marie et les HEC Montréal. Alors, c'est intéressant parce qu'on le sait, il y a une croissance phénoménale d'Allemagne en ressources naturelles. Alors, le gouvernement Charest, bon, on ne peut pas l'en blâmer, a flairé la bonne affaire et en faisant du plan d'art sa pièce maîtresse pour se redonner un élan politique avant la prochaine élection. Mais qu'en est-il réellement du plan d'art? Allez lire ce numéro, ça vaut la peine, ce numéro en ligne. Il y a beaucoup de choses fort intéressantes. Je cherche désespérément l'adresse du magazine. Je vais la donner. La revue Vie économique. C'est ça exactement. On va mettre le lien sur notre blog. Oui, bien sûr. Et les gens pourront donc se rendre directement vers ce numéro spécial, ce dernier numéro, ce numéro de novembre, pardon, de Vie économique. Merci beaucoup, Michel. Alors, tout cela très, très, très intéressant. Alors, avant de poursuivre, ce sera publicité et au retour, ce sera la chronique de Cédric Leterme. À tout de suite. Le Radioton de CKRL arrive à grands pas et ce grand rassemblement radiophonique vous sera présenté par la boîte à pain Café Napoli. La boîte à pain Café Napoli vous propose 40 variétés de pain, un choix de pizza cuite sur feu de bois et nos fameux sandwichs pour tous les goûts. Le classique jambon et fromage suisse, le nouveau capicolo et salami génois et plusieurs autres. La boîte à pain Café Napoli, 396 3e avenue à Limoilou et le 289 rue Saint-Joseph-Est. Visitez notre site boiteapain.com. La Caisse d'économie solidaire soutient 2800 coopératives et organismes sans but lucratif partout au Québec. De plus, elle conseille plus de 10 000 citoyens, comme vous, en matière d'investissement socialement responsable. À quoi sert votre argent? La Caisse solidaire vous invite à diversifier votre portefeuille. Faites comme Laure Varidel, la cofondatrice d'Équitaire, épargnez là où ça compte vraiment. Découvrez le placement à rendement social en visitant le www.placement.coop. La Caisse d'économie solidaire vous invite à écouter le dimanche 1er avril le Radioton 2012 de CKRL. Au programme, concerts intimes, tables rondes, artistes de tout horizon pour vous offrir une journée de radio exceptionnelle. Est-ce que les voitures roulent trop vite dans votre quartier? Y a-t-il suffisamment d'espace vert? Ou peut-être qu'on projette d'y construire un édifice commercial? C'est qu'il s'en passe des choses près de chez vous. Mais saviez-vous que vous avez votre mot à dire sur ce qui touche votre qualité de vie? Impliquez-vous en soumettant votre candidature pour les élections au sein de votre conseil de quartier qui se dérouleront du 2 au 20 avril. Mon quartier, j'y vis, je m'implique. Renseignements sur le site Internet de la Ville de Québec ou auprès de votre bureau d'arrondissement. La francophonie, une histoire d'amour, une passion, des artistes, une culture en mouvement, une langue riche, colorée, magique, une langue parlée et étudiée sur toute la planète, une langue internationale. Notre jeunesse, la relève, l'avenir. Des entreprises, des gens d'affaires, des créateurs, l'exportation, le rayonnement. La francophonie, c'est vous, nous, c'est toi, moi, c'est notre fierté. En français, je me distingue. Un message d'impératif français. Quand je suis arrivée au Québec, j'ai dû m'adapter. apprendre la langue, la culture, l'hiver et la vie quotidienne. J'aime apprendre. J'aime vivre ici. Un maître m'a dit un jour, prépare-toi à étudier toujours, en apprenant à faire des ponts entre hier, aujourd'hui et demain. Il y a mille et une façons d'apprendre. Quelles sont les vôtres? Détails sur le www.atuitenformation.com. Devenez membre de CKRL ou faites un don pré-Radioton et courez la chance de gagner un des deux prix suivants. 150$ à la boutique Le Pédalier. 150$ chez Sillon le Disquaire. 418-640-2575 ou sur sillon.com. CKRL 89. Alors, vous venez d'entendre un extrait de Jérôme Minière avec « Mon truc à moi ». Alors, vous écoutez présentement « Le grain de sable » jusqu'à 13h. Je suis en compagnie de Michel Monette. Cédric Leterme a été rejoint. Par contre, on a un petit décalage horaire. Alors, on va le revoir. On va l'entendre un petit peu plus tard dans l'émission. Alors, tout d'abord, on va débuter avec les événements à surveiller cette semaine. Oui, Valérie, allons-y avec les événements. Une chose intéressante, jusqu'au 31 mars, il y a une exposition sur le droit à l'eau. Ça, ça s'appelle Cégep Bleu, c'est au Musée de la civilisation. Le tout a débuté le 20 mars. Ce sont les Amis de la Terre qui ont lancé un concours à l'intention des cégeps de la région de Québec. Les étudiants ont été invités à former des équipes et à concevoir une installation artistique constituée à partir de bouteilles d'eau récupérées. Belle initiative. Mm-hmm. On peut voir les installations au musée. Oui, c'est une belle initiative. Enfin, l'idéal, ce serait que les gens ne prennent plus de bouteilles d'eau parce que c'est vraiment affreux pour l'environnement. Mais en tout cas, au moins, on a récupéré ces bouteilles d'eau pour faire des œuvres d'art. Ça, c'est donc au Musée de la civilisation et c'est jusqu'au 31 mars. On peut s'y rendre, voir cette exposition et autre chose, bien entendu. Une autre activité des Amis de la Terre, du 24 mars au 24-25 mars, c'est jusqu'à 17h, les deux jours, de 10h à 17h, c'est au Centre des congrès de Québec. C'est l'expo Manger Santé 2012. Alors, les Amis de la Terre sont de nouveau au rendez-vous, c'est pas juste les Amis de la Terre, évidemment. Les Amis de la Terre sont de nouveau au rendez-vous de l'expo Manger Santé pour tenir un kiosque et sensibiliser la population aux divers enjeux écologiques liés à l'alimentation. L'événement regroupe plusieurs exposants des secteurs de l'alimentation saine, de l'agriculture biologique, de l'écologie, de la mise en forme et du plein air, ainsi que des produits et des services thérapeutiques. Il y a des conférenciers, il y a des ateliers, il y a des dégustations qui sont offertes aux visiteurs. Donc, oui, ça va être très intéressant. Oui, tout à fait. Expo Manger Santé en un seul mot.com, si vous voulez en savoir plus. Expo Manger Santé en un seul mot.com. 25 mars, une projection spéciale à Québec à l'Astradamus. Oui. Oui, c'est un abécédaire populaire. C'est je lis ce qui est écrit, c'est tellement sympathique. Grâce à Bernard, le gentil propriétaire de l'Astradamus, une diffusion de ce documentaire du cinéaste Hugo Latulippe sera présentée dans son bar. Il faut confirmer la présence le plus tôt possible, par exemple. Par contre, afin qu'il soit possible de réserver la tenue de l'événement si un intérêt général se fait sentir. Alors, appelez donc à l'Astradamus. Je n'ai pas le numéro, mais vous allez trouver ça facilement. Appelez à l'Astradamus pour indiquer que vous êtes intéressé. Ça va inciter, évidemment, le propriétaire Bernard, le gentil propriétaire, à diffuser ce film, ce documentaire d'Hugo Latulippe. Ensuite, la solidarité francophone en faveur d'une loi anti-pauvreté. Ah bon? 28 mars à 17h. Ça, c'est à la chapelle du Musée d'Amérique française. Vous savez, dans le vieux Québec, là, sur la rue, au bout de la rue Saint-Jean, tout près de la basilique Notre-Dame de Québec. Il y a une table ronde. C'est une table ronde des 5 à 7 de la coopération ici et ailleurs. C'est Jean-Paul Lafrance, un journaliste retraité de Radio-Canada International, qui anime cette table ronde. C'est une soirée organisée en marge de la mission effectuée au Québec par les parlementaires représentant les gouvernements, sociétés civiles et représentants des agences des Nations Unies au Niger et au Burkina Faso. Ces derniers sont venus échanger avec leur homologue québécois sur le processus de l'adoption et de l'application de la loi en matière de lutte contre la pauvreté. Hein? Ils viennent au Québec s'inspirer de la loi qu'on a votée ici, qui est, il faut le dire, c'est une loi exemplaire. On a de la difficulté, les groupes nous disent qu'ils ont de la difficulté dans sa mise en application, mais elle est vraiment exemplaire à l'échelle mondiale. Mais elle s'exporte. Alors, dans la poursuite de son programme de sensibilisation du public, c'est l'Agence consultative en éthique de la coopération internationale, une agence que je ne connaissais pas, l'associe en partenariat avec l'Institut d'administration publique du Québec qui nous convie à ce dialogue Nord-Sud. Et la table ronde va être suivie d'un verre de l'amitié. On peut réserver au 418-524-7648. 418-524-7648. On peut aussi se rendre sur le site associe.org pour de plus amples informations. Il est possible de réserver aussi par courriel. Voilà. Alors, c'est ce qu'il y avait à surveiller cette semaine dans la région de Québec. Alors, merci, Michel. Alors, on va juste un bref rappel à nos auditeurs. On est vraiment en mode radioton ici à CKRL. Alors, c'est vraiment le moment de renouveler votre adhésion en tant que membre et aussi donc venir faire un tour le 30, 31 mars et 1er avril prochain. Donc, la fin de semaine prochaine, ça se déroule à CKRL. Alors, vous pouvez donner vos dons et c'est l'activité de financement qui est très, très, très important pour la continuité des activités de la station de radio. Alors, sur ce, donc, on va aller écouter maintenant une autre chanson. Donc, on écoute HK et les Saltimbanques, On lâche rien. À tout de suite. On lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'à la lutte, y'a de l'espoir, tant qu'à la vie, y'a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout, tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines, maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal est bien plus qu'un rêve, un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. Voilà, vous venez d'entendre HK et les Saltimbanques. On lâche rien. Vous écoutez présentement Le Grain de Sable, accompagné de Valérie Blouin. Et maintenant, je suis accompagnée de Cédric Le Terme pour sa chronique mensuelle en direct de Belgique. Allô, Cédric. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tu nous as donné quelques sueurs froides aujourd'hui, mais te voilà. Voilà, je suis enfin là. Voilà, c'est important. Alors aujourd'hui, tu voulais nous faire une chronique en forme de bilan. Oui, exactement. Ben, en fait, c'est parce que bon, c'est vrai qu'il s'est passé des choses assez importantes ces derniers mois en Europe. Il y a beaucoup d'événements qui se sont succédés. On entend beaucoup dire ces temps-ci que le pire serait passé, quoi. Bon, récemment, les créanciers de la Grèce ont accepté d'effacer une partie importante de sa dette. On a aussi des nouveaux mécanismes de surveillance institutionnelle qui ont été mis en place en Europe pour éviter le même genre de surendettement de la part des États. Et donc, même si bon, tout le monde reconnaît que la situation reste délicate, on entend dire un petit peu partout que le gros des nuages serait passé. Et que donc les choses ne vont pouvoir que s'améliorer. Alors, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas nier qu'il y a une accalmie, hein, le pic de la crise a été passé, en tout cas, son moment le plus aigu, mais ça ne signifie pas pour autant que les principaux problèmes ont été réglés. Donc, je trouvais que c'était une bonne occasion, cette accalmie, d'un peu prendre un pas de recul et de jeter un regard d'ensemble sur l'état actuel de la crise, où est-ce qu'on en est en Europe, mais aussi dans le monde entier, quoi. Oui, en effet. Alors, tu voulais commencer avec le cas de la Grèce. Oui, bien sûr. Bon, forcément, on sait que la Grèce était vraiment au cœur de la crise en Europe. C'était vraiment le cauchemar de toute l'Europe et du monde entier aussi ces derniers mois, avec bon, la menace permanente de son défaut et toutes les conséquences alors qu'il aurait pu en découler pour la zone euro et pour l'économie mondiale dans son ensemble. Et ici, après bon, de très longues et difficiles négociations, comme j'ai dit, les créanciers de la Grèce ont accepté d'effacer une partie importante de sa dette, c'est 130 milliards d'euros à peu près, donc c'est quand même pas rien. Mais oui, hein. Ce qui la soulage évidemment d'un poids considérable, mais ça lui donne aussi l'accès à une nouvelle tranche d'aide de la part de la Troïka, donc du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne. Donc le fait qu'elle est parvenue à avoir cet accord avec ses créanciers, ça conditionnait une nouvelle tranche d'aide. Donc ça a été important à deux niveaux. Alors les réactions étaient quasiment unanimes suite à cette opération réussie. On a dit c'est un tournant dans la crise. Le défaut est finalement évité. On va pouvoir respirer. Ça va pouvoir enfin s'améliorer, etc., etc. Et les réactions étaient quasiment unanimes puisque tout le monde évidemment partageait pas cet enthousiasme-là. Il y a toujours des rabat-joie pour nuancer un petit peu les propos. Et en fait, quand on regarde un peu plus attentivement les conditions de ce sauvetage-là, on se rend compte que les choses sont beaucoup moins belle que ce qui m'y paraît, quoi. Ah bon? Alors, c'est pas un cadeau, là, tant que ça. Là. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Ils n'ont pas fait un cadeau à la Grèce? Non, pas vraiment. C'est ça, en fait. Bon, on dit que les créanciers ont accepté d'effacer la dette. C'est faux. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont échangé les titres qu'ils avaient contre des nouveaux titres qui valaient moins cher. Mm-hmm. Donc, par exemple, un créancier qui avait 100 euros de titre grec l'échange contre un nouveau titre qui vaut maintenant 45 euros. Donc, c'est à peu près ça, les conditions. Et donc, effectivement, le montant du coup que la Grèce doit rembourser est diminué de 55%. Quoi. Wow! Donc, mais ça, c'est quand même gentil de la part des créanciers, non? Oui, mais pas vraiment, en fait, puisque, s'ils ont accepté, c'est avant tout parce que les titres qu'ils avaient ne valaient de toute façon presque plus rien. Donc, ils étaient incapables de les revendre pour même pour beaucoup moins que ce qu'ils ont obtenu ici. Donc, il valait beaucoup mieux pour eux échanger ces titres-là qui, de toute façon, ils ne savaient plus rien en faire contre des nouveaux titres. Et ce qu'il y a, c'est que c'est des nouveaux titres qui sont plus sûrs. Donc c'est ici en fait que les choses se gâtent un petit peu pour la Grèce, c'est-à-dire que pour que les créanciers acceptent cet échange-là, il a fallu leur donner un certain nombre de garanties sur les nouveaux titres. Et donc premièrement, la Grèce doit leur verser immédiatement une partie de cette nouvelle dette, à peu près 15%. Ensuite, l'Union européenne se porte garante pour le reste, et les nouveaux titres sont aussi couverts par le droit anglais. Avant, ils étaient par le droit grec, ce qui permettait en fait à la Grèce d'avoir un contrôle sur éventuellement un défaut, sur la façon dont dont les choses pourraient se passer à l'avenir, et ici, ce contrôle-là lui a été retiré. Et enfin, il faut aussi dire que le nouveau prêt auquel la Grèce a eu droit donc auprès du FMI et de la Banque Centrale Européenne, il doit servir en priorité à rembourser ses banques et à consolider les banques grecques. Donc il y a seulement une petite partie qui va pouvoir aller à la Grèce pour soutenir son économie ou essayer de se relancer un petit peu. Donc le problème, c'est que ce nouveau prêt-là qui lui a été donné, il s'ajoute à la dette grecque. Donc le résultat, en fait, c'est qu'après cette opération où la dette privés, détenus par des créanciers privés sur la Grèce, a été diminué de 55%, mais avec ce nouveau prêt-là, la dette grecque, elle, au final, est passée seulement de 160% du PIB à 159% du PIB. C'est un résultat absolument ridicule, évidemment, pour la Grèce, ça ne change pas grand-chose, à la différence que, en fait, ce sont des prêteurs publics institutionnels qui maintenant détiennent une partie importante de la Grèce, quoi. Donc, si je comprends bien, c'est les banques qui en sortent gagnantes. Oui, plutôt, en fait, c'est sûr qu'elles ont quand même dû essuyer quelques pertes, mais comme je disais, de toute façon, elles ne pourraient pas espérer mieux. Donc, on leur a garanti, en fait, beaucoup plus que ce qu'elles auraient pu obtenir si on n'avait rien fait. Et c'est pas étonnant que les conditions soient si avantageuses pour les banques, puisqu'en fait, elles ont négocié directement cet accord avec la Grèce, et ça a été très, très long et difficile. Par contre, pour la Grèce, là, la situation, comme j'ai dit, est nettement moins enviable. On espère pour l'instant qu'au mieux, en 2020, sa dette soit ramenée à un taux de 120% du PIB. Et en fait, ce taux-là, c'est le taux qu'elle avait au moment où la crise a éclaté. Donc on voit bien l'efficacité des méthodes qui lui sont appliquées et qu'on continue d'ailleurs de lui imposer dans une violence assez incroyable. Mmh. Donc tout ça pour dire qu'on va très probablement finir par réentendre parler de la Grèce sous peu, puisque c'est tout simplement intenable les conditions qu'on lui impose. Tout à fait. Mais tu voulais aussi revenir sur la situation de l'Europe en général, et notamment sur le nouveau pacte de stabilité qui vient d'être adopté et qui a aussi été présenté comme un pas décisif en direction d'une sortie de crise. Oui, tout à fait. Ça, j'en ai en fait parlé lors de ma dernière chronique à un mois, donc de ce pacte de stabilité qui est en fait un nouveau traité européen qui impose maintenant aux États d'être à l'équilibre budgétaire et sous peine de voir infliger des sanctions financières, etc. Donc je vous avais un petit peu expliqué ce pacte-là et les opinions de beaucoup de gens ici sur le fait que ça constitue absolument pas une solution au problème, puisqu'il s'attaque pas à la cause du problème. Et la preuve, c'est que presque immédiatement après l'adoption de ce nouveau pacte, que tout le monde a présenté comme une grande victoire, l'Espagne a annoncé qu'elle serait incapable d'en respecter les objectifs, et les Pays-Bas ont récemment annoncé aussi qu'eux non plus. Dans la foulée, ce pacte démontre déjà qu'il est totalement inutile, donc c'est pas vraiment une surprise, puisque comme j'ai dit, le problème n'est absolument pas le manque de discipline de la part des États, mais bien un fonctionnement de l'économie et de la finance aussi qui ne fonctionne tout simplement plus. Par contre, ce que ça montre, c'est à quel point l'Europe est capable de se réjouir de fausses solutions qui se révèle inutile presque immédiatement après avoir été adopté. Mais est-ce que les dirigeants européens, ils commencent pas à reconnaître qu'il y a des erreurs, qu'ils ont fait des erreurs, ou on poursuit dans la même ligne? C'est vrai que ça prend du temps. On sent qu'il y a tout doucement un infléchissement, on va dire, mais assez timide. On commence à entendre de plus en plus d'officiels nationaux, d'officiels européens, qui disent que l'austérité toute seule est vouée à l'échec, ce qui est une évidence, mais bon. Et qu'il faut au moins la compenser avec des mesures en faveur de la croissance. Donc c'est ça un petit peu le problème, c'est qu'ils ne remettent pas en cause l'austérité, mais ils disent il faudrait peut-être tempérer un petit peu, y aller plus gentiment. Mais bon, vouloir à la fois contenter les financiers et faire du social, c'est tout simplement contradictoire, ça ne peut pas fonctionner. Donc on va peut-être assister, très probablement, la Commission va travailler là-dessus, à un assouplissement de la rigueur actuelle, mais le cadre général et le fait qu'il faut faire de la rigueur va rester le même, donc les conséquences vont rester globalement les mêmes. En attendant, le problème, c'est que la tension sociale en Europe est vraiment de plus en plus explosive, avec des grèves générales qui ont été annoncées en Espagne, au Portugal. C'est déjà la huitième grève générale qui a lieu au Portugal. Mmh. En Grèce aussi, évidemment, il y a des manifestations massives qui continuent. Au niveau européen, il y a des manifestations qui s'organisent, dont notamment une manifestation qui est prévue fin mai devant la Banque Centrale Européenne, qui est vraiment l'institution qui est à la tête du camp néolibéral dur en Europe. Et donc, bon, on peut espérer que de ce côté-là, du côté des peuples européens, une réaction plus coordonnée, puisqu'il faudrait que les pays s'unissent pour réagir au niveau européen, et efficace voit le jour. Mais bon, malheureusement, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Bon, en tout cas, encore des révélations choc, n'est-ce pas? Alors, pour conclure, tu voulais aussi évoquer brièvement la situation mondiale. C'est vrai qu'on se contente beaucoup sur l'Europe, mais ça ne va pas spécialement mieux ailleurs. Non, c'est tout à fait. Et c'est vrai qu'il faut, il faudrait pas l'oublier. C'est une crise qui est mondiale. C'est pas une crise de l'Europe. Elle a pris une tournure particulière en Europe pour des raisons qui sont propres à la situation européenne, que j'avais déjà expliqué aussi. Mais c'est véritablement une crise mondiale. Et les causes et donc les conséquences fondamentales de cette crise-là, elles sont les mêmes à peu près partout. Il faut rappeler que la dette américaine a dépassé le seuil des 100% de PIB. C'est colossal. C'est une vraie bombe à retardement. Et l'explosion est probablement pas très loin puisque les républicains et les démocrates vont de nouveau devoir s'entendre sur un relèvement du plafond et ça risque de faire mal. Il faut rappeler aussi que la note des États-Unis avait été dégradée par une des agences de notation, donc c'est aussi significatif de la situation dans laquelle ils sont. En plus, bon, l'économie américaine, à côté de ça, malgré le fait que la réserve fédérale américaine a injecté des quantités incroyables d'argent dans l'économie américaine pour essayer de la relancer, elle tourne toujours au ralenti. Cet argent ne trouve pas de débouché productif, en fait. Donc, il est utilisé pour spéculer, en particulier sur les marchés émergents. Donc, il est investi en Chine, au Brésil, etc. Et bon, ces pays-là s'en plaignent puisque ça crée vraiment des grosses distorsions sur leur propre marché. Ils se retrouvent tout d'un coup avec des afflux massifs de capitaux. Donc, leur monnaie s'évalue. Et bon, c'est un problème pour eux. Ils commencent vraiment à s'en plaindre. Parlant des marchés émergents, il faut aussi souligner le cas de la Chine, qui est loin d'être aussi rose que ce qu'on peut croire. Il y a un gros ralentissement de la croissance là-bas. Elle fait face à une gigantesque bulle immobilière qui va devoir se éclater, ou en tout cas, il va falloir gérer son dégonflement. Et le fait que ses principaux marchés d'exportation, les États-Unis ou l'Europe, sont en récession, ou en tout cas, marchent au ralenti, mais ralentit sa croissance. Donc, ceux qui espéraient que la Chine pourrait tirer la croissance économique mondiale, ils peuvent continuer d'espérer encore un petit moment, c'est pas prêt d'arriver. Et enfin, on peut aussi parler du Japon. Ici, le cas est vraiment incroyable. La dette du Japon dépasse les 200% de PIB. Donc là, on est dans des chiffres qui sont astronomiques. Jusqu'ici, le Japon s'en est bien sorti, puisque c'est les Japonais eux-mêmes qui détenaient la dette, mais ça commence à toucher à ses limites, et ça va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps. Donc on voit que la situation est loin d'être réjouissante au niveau de la planète aussi, pas seulement en Europe, et donc il faut aussi s'en rappeler. Quoi. Oui, en effet. Alors, est-ce que c'est sur ces mots de conclusion que tu nous laisses? Oui, en fait, c'est vrai que les perspectives sont pas très réjouissantes. Disons que ceux qui affirment le contraire, bon, il y en a beaucoup, et c'est vrai que depuis 2009, on l'entend beaucoup, mais on pourra pas sortir de cette crise sans modification radicale du cadre économique et financier dans lequel on opère. Ça, c'est une certitude. Donc, sans parler même de l'urgence environnementale qui a été complètement mise de côté. Donc, c'est un fait, et plus tôt on l'admettra, le plus tôt on pourra chercher des vraies solutions, quoi. Oui, alors ça reste à venir, ces vraies solutions, semble-t-il, parce que voilà. C'est difficile. Oui, c'est difficile, en tout cas, actuellement, avec les manifestations qui se passent, d'être écouté. Oui, tout à fait. Oui. Alors, merci. Un grand bravo, en tout cas, à la jeunesse québécoise pour s'être mobilisée avec autant de dynamisme. C'était beau à voir, oui. Oui, alors, eh bien, merci beaucoup, Cédric, pour ce bilan de la crise mondiale, on peut le dire comme ça. Alors, on se retrouve dans un mois pour une nouvelle chronique consacrée à l'actualité européenne. D'accord, à bientôt. Merci beaucoup, salut. Au revoir. Alors, c'est déjà le mot de la fin, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Je vous rappelle à nouveau que le Radioton de CKRL a lieu le 30, 31 mars et 1er avril. Alors, venez nous voir. Et je remercie notre invité de la semaine, donc M. Gabriel Sainte-Marie. Qui était économiste et aussi qui écrit beaucoup pour l'IREC, donc l'Institut de recherche sur l'économie contemporaine, l'IREC. Également, j'aimerais remercier Cédric Leterme pour sa chronique qui vient sur l'actualité européenne. Également, un grand merci à la réalisatrice Michèle Monette qui s'occupe de la réalisation et communication. Et également, un grand merci Claude Vaillancourt, président d'Ata Québec, pour l'éditorial à chaque semaine. Et également, Fabien Dubuis à la mise en onde. Alors, c'est Valérie Blouin qui vous parle et je vous souhaite une excellente fin de semaine et semaine. On se retrouve dans deux semaines, car la semaine prochaine, c'est le Radioton. Et allez voir notre blog et également notre page Facebook, pardon. Donc, pour le blog, c'est legrainsableqc.org. Et maintenant, c'est l'heure de conte de fées avec Olivia Vu. Tout cela sur les ondes de CKRL 89.1, cette radio unique et merveilleuse qui cultive vos goûts.